Culture politique. Afin de garantir un bon déroulement du processus électoral, le respect de la diversité de nos opinions politiques est primordial. Ceci est un message du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP dans son programme Tuganire Tkubake. Nous sommes dimanche 17 mai 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, vous qui nous écoutez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. Une grenade a été lancée aux environs de 19h30 la nuit de ce samedi à la 4e avenue de la zone Biza, commune Rebendo, Mukasa, sans toutefois causer de dégâts humains. À part une voiture qui était garée à cet endroit qui a été endommagée et la campagne électorale qui avait commencé il y a 3 semaines, c'est-à-dire le 27 avril dernier, va se clôturer ce dimanche soir à 18h heure locale. Sept candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Parmi eux, 4 candidats représentent leur parti politique, 2 indépendants et celui qui représente la coalition des partis politiques sont en lice. Nous avons également préparé la chronique nutrition. Aujourd'hui, Vestine Routo va nous parler du petit pois, qui est une plante légumineuse originaire de l'Asie centrale. Innocent Bionimana sur la mise en onde de cette édition dominicale. Vous retrouvez Aimé Richard Nyonghulu à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, une grenade a été lancée aux environs de 19h30 dans la nuit de ce samedi, tout près du débit de boisson d'Iyanga of Burundi, à la 4e avenue de la zone Bwiza, mais en commune Mukasa de la mairie de Bujumbura. La propriétaire de ce bar ainsi que ses clients déplorent ces attaques qui ne visent que des citoyens paisibles. Lors de cette attaque, une voiture qui était garée tout près de du bar a été endommagée. Deux présumés auteurs ont été appréhendés selon la police. Suivez les témoignages des gens qui étaient sur place. J'étais avec mes clients en train de partager un verre, mais j'avais demandé à mes veilleurs de bien assurer la sécurité. Après, nous avons entendu un bruit d'une grenade exploser dans le caniveau. J'étais ici en train de boire. Subitement, j'ai entendu un bruit et je suis tombé par terre. Dieu nous a protégés. Je me suis levé. Vraiment, Dieu est toujours Dieu. Pourquoi tu es des innocents? Quelqu'un qui cherche de quoi nourrir sa famille et l'autre vient pour perturber ses affaires. Je les conseille d'abandonner ça. Qu'on vive ensemble dans notre pays, qu'ils cessent cela. Les chefs ont échangé sur ça et ont exigé de mettre les ampoules pour qu'il y ait de l'éclairage. Et clôture de la campagne électorale pour une triple élection, à savoir la présidentielle, législative et communale, est prévue mercredi prochain et cette clôture est prévue ce dimanche à 18h, comme je le disais en titre. Quatre candidats des partis politiques, 2 indépendants et une coalition sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Le candidat du CNDD-FDD, général-major Évariste Ndayishimiye, a clôturé sa campagne ce samedi à mairie de Bujumbura. Celui du CNL, Agathon Rwasa, compte clôturer sa campagne à Gitega ce dimanche, tandis que le Frodebou, représenté par Léon Sengendakumana, a clôturé la sienne ce vendredi à Lumongi. Luprona, représenté par Gaston Sindimo, et l'indépendant Dieudonné Nahimana comptent terminer leur campagne à mairie de Bujumbura ce dimanche. L'indépendant Francis Luhiru va clôturer sa campagne ce dimanche à Bukey en province Murambia et la coalition Kira Burundi est à Matana pour le moment dans la province Bururi pour clôturer sa campagne électorale. Cette campagne électorale vient de durer 3 semaines, comme je le disais, comme le stipule le code électoral. Et le Burundi a besoin d'un leader animé de valeurs de justice, d'équité et de vérité dans tous les actes qu'il y pose. C'est du moins l'avis du facilitateur dans le leader transformationnel. Egide Niyongabo trouve qu'avec un tel caractère et une telle attitude, le leader jouira de la confiance des Burundais et par conséquent, il permettra la cohésion sociale et le développement durable du pays. Écoutez Egide Niyongabo au micro de notre confrère Fidèle Antoine Sabimane. La responsabilité d'un bon leadership, c'est la recherche permanente du bien commun pour la présente génération et la génération future. En analysant le contexte actuel dans notre pays, je dirais que le pays est dans un bon moment car ça ouvre une possibilité d'un Burundi meilleur, ce qui est reflété d'ailleurs dans les différents projets de société. D'abord, il faut comprendre qu'un bon leader est caractérisé par de bonnes valeurs, notamment les valeurs d'intégrité, de vérité, d'équité, de justice, de redevabilité, de service pour les autres et autres. Le leader ou le bon leader doit être caractérisé par un caractère, un langage et des actes qui ne changent pas, qu'ils soient en privé ou en public. Par exemple, si on parle de la valeur de justice, un bon leader est animé par la valeur de justice. Il entretient un langage de justice et pratique la justice sans distinction aucune. Avec un tel caractère et une telle attitude, le leader jouit de la confiance des dirigés. Par conséquent, son leadership permet une bonne cohésion sociale et un développement inclusif et durable pour tous. La responsabilité d'un bon leader est d'être au service des autres, de mettre l'intérêt commun avant son intérêt personnel ou de son groupe, lui permettant de gagner la confiance par son esprit sincère toujours à la recherche du bien-être pour tous. Un bon leader pense à la fois à la présente génération et à la génération future. Le grand succès d'un leader est dans son héritage, c'est-à-dire ce que notre attitude et nos actes aujourd'hui laissent comme une marque ou une empreinte dans la vie des autres. Et tous les gens devraient apprendre à adopter un langage réconciliant et surtout ceux qui s'adressent aux groupes de gens dans des rassemblements. L'appel est de frère Emmanuel Nakarutimana qui suit de près la situation des droits de l'homme au Burundi. Il explique que lorsque les gens font recours au discours dévalorisant, cela conduit à des cycles de violence. Suivez-le. En fait, il devrait cesser ça même avant de considérer les éléments de justice, parce que en principe, ce sont des choses répréhensibles, même au niveau des dispositions légales. Mais au niveau de l'humain, ce sont des aventures qui conduisent à des drames au niveau du pays. Et alors, par respect pour eux-mêmes, et aussi par respect d'amour pour notre pays et de solidarité avec les différentes composantes de la communauté nationale avec lesquelles on devra construire ce pays sans exclusion et sans esprit de suspicion de façon permanente. Il sera important qu'on revoie beaucoup la surveillance du langage que l'on utilise dans les campagnes politiques et dans les discours politiques de mobilisation de l'électorat en général. Même dans la vie courante. Dans la vie courante, c'est tout à fait normal parce que c'est dans l'éducation, normalement, depuis le jeune âge, l'éducation de l'enfant, même s'il y avait des poèmes de bravoure qui incitait au mépris et à la violence dans notre culture traditionnelle, il était cependant reconnu que l'enfant devait être éduqué au respect et à l'usage d'un langage qui soit digne et un citoyen digne, un homme ou une femme qui manifeste de la dignité ne pouvait pas se mettre dans des invectives d'une certaine catégorie, même les gens que l'on appelait Abungere qui pouvaient utiliser des langages pervers, c'était dans des conditions bien déterminées. Normalement, dans les relations sociales ordinaires, chacun tenait à sa dignité. Frère Emmanuel Nakarutimana qui répondait aux questions de Oban Niyonguru après une courte pause. Page santé au rendez-vous. Les statistiques des malades atteints par l'hypertension au Burundi et en Afrique sont entre 25 et 45%. de cette maladie. Propos du cardiologue et président de l'Association burundaise des cardiologues, ce dimanche, au moment où le monde célèbre la journée internationale de lutte contre l'hypertension. Docteur Constantin Nyamuzangura précise que parmi les défis observés sont entre autres l'absence du dépistage et le non-traitement de cette maladie. Il tranquillise toutefois que bientôt les médicaments de l'hypertension seront disponibles au centre de santé. Suivez-le. L'hypertension artérielle représente 26% de la population adulte au niveau mondial et ces chiffres sont en hausse au niveau de l'Afrique et essentiellement au niveau de l'Afrique subsaharienne et du Burundi en particulier parce que ces chiffres vont de 25 à 45% au niveau de l'Afrique. À titre d'exemple, nous avons fait une descente à Karouzi, nous avons fait un constat que 40% de la population adulte dépistée était porteuse de l'hypertension artérielle. C'est une pathologie qui est très présente au niveau du Burundi. Les grands défis observés, c'est le problème d'accès aux soins appropriés parce que ces soins sont souvent des soins chroniques et assez chers pour l'ensemble de la population. Mais également, il y a un souci de diagnostic parce que la plupart des gens hypertendus ne le savent pas. Comme vous savez, l'hypertension artérielle entraîne des complications majeures, très sévères au niveau des organes cibles comme les yeux, comme le cerveau, comme les reins, comme le cœur. Pour faire face justement à ces différents défis, je voudrais proposer la possibilité et l'accès des traitements à tous les niveaux de l'échelle de la santé au niveau du Burundi, en commençant bien évidemment par les centres de santé jusqu'aux hôpitaux de niveau tertiaire. Nous avons la chance qu'au Burundi, un protocole national de lutte contre l'hypertension artérielle vient d'être élaboré et sera vulgarisé au niveau de toutes les structures, en commençant par les centres de santé, ce qui va permettre à nos patients d'avoir accès à des soins appropriés. Toutes les permanences collinaires du CNDD-FDD en zone Buruhukiro de la commune et province de Mongé ont été vandalisées par des inconnus la nuit de ce samedi à dimanche. Les informations obtenues de certains habitants de Buruhukiro disaient que tantôt ce sont les vitres des fenêtres cassées, tantôt ce sont quelques briques enlevées ou drapeaux brûlés. Le gouverneur de la province Rumonge dit avoir été informé de la situation et contenir une réunion sécuritaire l'après-midi de ce dimanche. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Je vous l'avais dit en titre, le petit pois est une plante légumineuse originaire de l'Asie centrale. Selon l'infirmier nutritionniste Jean-Paul Winesa, il existe plusieurs variétés de petits pois, dépendamment de leur forme et leur couleur. Jean-Paul Winesa fait savoir que le petit pois peut se manger cru ou cuit. Les détails de cette chronique nutrition avec notre consoeur Vestine Boutouille. Plante herbacée annuelle qui apprécie un sol riche et léger et plutôt humide, ainsi qu'une exposition ensoleillée ou à mi-ombre, le petit pois est aussi une plante légumineuse originaire de l'Asie centrale. Comme l'explique Jean-Paul Winesa, l'infirmier nutritionniste, le petit pois se cultive dans une région tropicale. Le petit pois est une plante herbacée et grimpante, originaire d'Asie centrale, de la famille des légumineuses. Ces graines sont enfermées dans les gousses de couleur verte d'environ de 10 cm de longueur. Chaque gousse contient en général de 7 à 9 graines. Les petits pois se cultivent surtout dans les régions tropicales, dans une terre souple et fraîche. Selon son nutritionniste, le petit pois présente plusieurs variétés, dépendamment de leur couleur et leur forme. Les petits pois sont de nombreuses variétés, mais on peut citer quelques-unes. On peut trouver des petits pois à rame, des petits pois ridés ou les petits pois nains ou les petits pois de forme ronde et on les distingue avant tout par leurs gousses de couleur jaune ou bien de couleur verte. Le petit pois se consomme cru ou cuit et s'accompagne de toutes les saveurs. L'infirmier nutritionniste donne l'exemple d'une salade faite de petits pois crus et d'un plat d'un mélange de petits pois et de colocasse cuit. Les petits pois peuvent se manger cuits au moyen de salade. On peut les mélanger avec des légumes qui se mangent cuits. Et aussi, les petits pois peuvent se manger cuisinés. Il convient de ne pas les cuire les plus de 5 à 10 minutes. Un tas supérieur fait perdre presque toutes leurs vitamines. L'idéal est de les blanchir rapidement ou de les cuisiner à la vapeur. C'est là où les petits pois ne peuvent pas perdre, et surtout la vitamine C. En fait, il y a des petits pois qui se préparent d'une façon sec. Lors de la cuisson, il faut quand même les cuire suffisamment afin de pouvoir éliminer les hémagglutinines ou bien les facteurs antinutritionnels, les phytates, qui peuvent se trouver dans beaucoup de céréales ou bien des légumineuses, comme on les trouve aussi dans les petits pois. Dans la prochaine chronique, on vous parlera des éléments nutritifs contenus dans le petit pois, ses bienfaits et les catégories des personnes qui ont besoin de cet aliment plus que d'autres. Merci Vestine Boutoyi et le rendez-vous est fixé et c'est la fin de cette édition de la mi-journée dominicale. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais à vous qui venez de nous rejoindre en cours de route, je vous en rappelle les grands titres. Une grenade a été lancée aux environs de 19h30 la nuit de ce samedi à la 4e avenue de la zone 10 en commune urbaine de Mukaza, sans toutefois causer de dégâts humains, pas à part une voiture qui était garée à cet endroit qui a été endommagée. Et la campagne électorale qui avait commencé il y a 3 semaines, c'est-à-dire le 27 avril dernier, va se clôturer ce dimanche soir à 18h. 7 candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Parmi eux, 4 candidats représentent leur parti politique, 2 indépendants et celui qui représente la coalition des partis politiques sont en lice. Vous venez de l'entendre, nous avons parlé également de la chronique nutrition. Aujourd'hui, Vestine Boutoyi nous a parlé du petit pois, qui est une plante légumineuse originaire de l'Asie centrale. Merci à Innocent Ibonimana qui a assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Richard Nyonguru. Bonne journée dominicale.